pense à toi, je pense au raté. Jamais l'ange la remet au frais. La douleur, le respect. Tellement de choses, tellement de drames, tellement de larmes ont coulé. Trop de dopé coulé. Tellement de choses, tellement de drames, tellement de larmes ont coulé. Je t'aime dans la page. Je t'aime dans la page. Là, je suis trop ivre, mais cette chaudasse en verra encore. Je t'aime dans la page. Je t'aime dans la page. Là, je suis trop ivre, mais cette chaudasse en verra encore. Dans la poche, je suis trop aimé, mais c'est que ça en fait encore. Je suis trop aimé, mais c'est que ça en fait encore. Je les ai plus qui, mais les villes ici me veulent encore. Certains ont perdu la raison à la vue de ton corps, à la vue de mon arme. Calme-toi, je vais pas réciter. Je cherche le livre des lits. Jump, jump, t'es pas des nôtres, j'utilise mon gun. Ça fait un bail que t'es banni du squat. Les Savastan ont débarqué chez Watt. Pay, pay, litron sur litron écoulé. Où tes volets finissent troués. Le fric t'emmène au pouvoir et tu le sais. Je suis dans le bendo, je fais que tousser. À l'hôtel au moins du coup je lui mets. Le même quotidien dans mon quartier. Toujours aussi obscur et mon côté. Je reviens bientôt, tout peut recommencer. J'oublie tes paroles mais tu n'es toujours pas là. J'oublie tes paroles mais tu n'es toujours pas là. Je te vois comme un ennemi sur un terrain vague. Je te vois comme un ennemi sur un je t'aime dans la vague. Je t'aime dans la vague. Là je suis trop ivre mais cette chaudasse t'en fait encore. Je t'aime dans la vague. Je t'aime dans la poche. Là je suis trop ivre mais cette chaudasse t'en fait encore. Je t'aime dans la poche. Je t'aime dans la poche. Là je suis trop ivre mais cette chaudasse t'en fait encore. Là je suis trop ivre mais cette chaudasse t'en fait encore. Je les ai plus skis mais les villes ici me veulent encore. On vit on dirait que ça fait ce qu'il école. Des bières toujours entassées dans mon froc. Je grimpe grimpe dans la poche. Tellement de drames, tellement de choses. J'suis avec Bozo ou Sama le chat. Le raté tombe comme le corps à Pamela. Jamais dans le frigo quand j'finis de cooker ça. Fonce qu'à mon bénéfice même quand j'suis dans ses bras. On passe du meuh gras au kilo. De j'te protège mon refrain à bang bang. De j'te protège mon refrain à bang bang. Cette chaudasse me dit qu'elle m'aime. Moi j'ai trop d'amour pour mon gang. J'oublie tes paroles mais tu n'es toujours pas là. J'oublie tes paroles mais tu n'es toujours pas là. Je te vois comme un ennemi sur un terrain vague. Je te vois comme un ennemi sur un terrain vague. Je t'aime dans la poche. Je t'aime dans la poche. Là je suis trop ivre mais cette chaudasse t'en veut encore. Je t'aime dans la poche. Je t'aime dans la poche. Là je suis trop ivre mais cette chaudasse t'en veut encore. Je t'aime dans la poche. Je t'aime dans la poche. Là je suis trop ivre mais cette chaudasse t'en veut encore. Là je suis trop ivre mais cette chaudasse en veut encore. Je les ai vus qui me les villes ici me veulent encore. Je t'aime dans la poche. Je t'aime dans la poche. Là je suis trop ivre mais cette chaudasse en veut encore.